بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قد أخذنا الدرس في النعتة. طيب، النعت لو اسم آخر، النعت إلى أن ندخل نو أون بو لابلي كومون؟ لا لا أن ندخل نو أون أراب. Concentrez-vous sur les questions. Je ne t'ai pas demandé traduis-moi. Il a un autre nom. Note. Naat. Ce que je viens de dire, mais un autre nom. Sifa. Ah, on a dit, on peut l'appeler Sifa. Taïb. Et en français, ça serait quoi? L'adjectif ou l'épithète, ou plus facilement, la description. طيب المنعوت سي سري كوا ان فرونسي سي لو نو نص با انفورماسيون المنعوت بار رابور لا اون ريست دون نات والمنعوت طيب بارك الله فيك انت كيسك تو كوني يا محمد سو النعت نعت سوي توجور لو منعوت ان جونغ يا نو Non. Ça veut dire quoi ce qu'il vient de dire le frère Mohamed? Ça veut dire par exemple s'il est marfoua, il sera marfoua. C'est-à-dire si le men'out il est marfoua. Voilà, le na't sera marfoua. Marfoua. Et également. S'il est majrour. S'il est majrour, il sera majrour. S'il est mansour, mansour. Voilà. Également. Singulier, comment on dit en arabe? Singulier. Marfoua. Mufrad. Taïb. Voilà. Également. نعم إذا كان أن المنعوت نكرة يكون النعت تبدي نكرة نكرة نكرة طيب بارك الله فيك ما هو الفرق بين الخبر والنعت لا ديفيرونس انت لو خبر و النعت أبو أوت الخبر déjà il suit le mubtada non par rapport au, déjà que le نعت et le خبر c'est quoi la différence Information, non. Alors que le na'at est une description. Une description, très bien. Taïb, c'est-à-dire quoi? Al-khabar, yukhbir an al-mubtada. Il informe sur le mubtada. Amma na'at, ma huwa, wasf lil-man'out. C'est compris ça? C'est-à-dire c'est la description du nom. Tout le monde a compris ça? Taïb, on avait dit quoi? Que le khabar, c'était une description dans le sens, fil ma'na. Vous vous rappelez de ça? Alors que dans l'arabe, dans l'analyse grammaticale, on dira quoi? On dira na'at ou on dira khabar? On dira khabar. Voilà. Taïb. C'est quoi le profit de ramener un na'at? Ça précise ça précise le khabar. Ça précise encore plus le Andé. Un complément descriptif sur le manout. Là, ça c'est déjà fait ça. Mais il y a une faïda par rapport à ça. Andek à Mohamed. C'est-à-dire, c'est quoi le profit? Al-faïda, al-natib al-na'at. C'est quoi le profit de ramener le na'at? On va tourner, ça va arriver, Inch'Allah, peut-être. C'est bon, hein? Là? Vous avez donné un exemple hier. Andek? Bah, t'fadl. C'est qu'en fin de compte, si on désigne une personne. Ça le qualifie vraiment par une particularité de lui. Andek. Si les étudiants, on dit l'étudiant Mujtahidoun, ça veut dire que ça accentue bien, on sait bien que c'est le cas d'étudiant de qui on parle, ça veut dire qu'il fait beaucoup d'efforts. C'est pas loin, mais c'est pas ça au début. C'est quoi? C'est éclairci sous On avait dit quoi? Il se peut que plusieurs étudiants ou la même personne peuvent avoir quoi? Par exemple, si je dis à Zaydoun, Zayd il peut en avoir combien? Deux ou trois. Mais si je vous dis déjà Zaydoun al-Mujtahidou, Taïb, Shakhs, Ishtaraka fil ism. C'est-à-dire une personne, c'est quoi? C'est associé dans le même prénom. Vous avez compris ça? Et le fait de lui ramener cette description-là, ça fait quoi? Ça l'a quoi? Tawdih. Ça y est quoi? Éclaircifié de qui on parle. Vous avez compris là? Actuellement, on a deux Mohamed là. Non? Je dis déjà Mohamedoun al-Mujtahidou. Je n'ai pas besoin de chercher qui est Mujtahid et qui n'est pas Mujtahid. C'est juste pour éclaircifier la chose. Mais faut madame J'ai pas le temps. Mais si, si je dis al-mujtahidu. En fait, ouais. Bah ouais. Si je vous dis maintenant, on a deux frères ici qui s'appellent Mohamed dans le Merkez. Taïb, il y en a un qui fait plus d'efforts que l'autre. Automatiquement, on sera. C'est pas possible. Si la personne, elle s'est permis de s'exprimer avec cette description-là, c'est automatiquement, c'est qu'elle est là. Bah ouais. Si je vous dis par exemple, Dia Mohamedoun al-Jazairiou, ce serait bête de ma part de dire l'Algérien alors qu'il n'y a pas d'Algérien. Ouais. Pourquoi je vous ai dit al-Jazairiou? Parce qu'il y a deux Mohamed. C'est vrai ou non? Et l'autre, il est quoi? Tunsi et l'autre Mohamed. Ah, n'a pas marifa. Non, pas compris. Non, c'est pas pour ça. T'as pas compris là? Non, si, si, j'ai compris ce que tu veux dire. Qu'est-ce que t'as compris alors? Bah, j'ai compris que, en fait, le Nat, c'est pour. Vraiment, tu sais de qui on parle? Taïb. C'est pas. Il y a ça, ça éclaircifie, mais c'est quoi, j'ai dit? Ce sont deux mêmes personnes qui sont quoi? Associées dans une même. Par exemple, dans une même chose. Et le fait de ramener le Nat, ça fait quoi? Ça éclaircifie la personne ou la chose. Vous avez compris ça? Oui. Le nom. Le nom. Jaa Muhammadun, par exemple. Al-Mujtahidu. Tawdih. Assalamu alaykum. Le sujet ou le. En fait, comment tu. Le Man'out. Le Man'out. Ben ouais. C'est ça. On parle de quoi? Allah ybarik fikoum, les frères. Eh ben ouais, on parle du man'out. C'est quoi la chose qui est éclaircifiée? C'est le nom. Quand je dis dia, par exemple, hada Muhammadun. Taïb, hada mubtada Muhammadun khabar. Si je vous dis al-mujtahidu, le mujtahid, ça c'est quoi? C'est un na'at. Aïna al-man'out? Muhammad. Mais c'est quoi? Il est man'out. C'est-à-dire, il est nom. Le fait d'avoir dit al-mujtahid, ça nous a permis de quoi? De l'éclaircifier par rapport à un autre Muhammad qui était peut-être feignant. Paresseux, vous avez compris ça? Allez. Bismillah, vous êtes censé, Inch'Allah, avoir préparé les exercices. Hein. C'est-à-dire, c'est que de la lecture. Hein. Grand 2, hein. Dha' fil farag, fil jumal al-atiya na'tan munasiban. Il te demande de mettre quoi? Dans le vide. Fil jumal al-atiya, dans les phrases suivantes, un adjectif qui convient. C'est compris ça? Par exemple, je fais le premier pour que vous compreniez tous. Saber, vous y êtes? Tout le monde dit, Inch'Allah. Khadija talibatun mujtahidatun. Vous avez compris ça? Khadija talibatun mujtahidatun. Inch'Allah, personne n'a pas compris ça. Le suivant. Khalidun tajirun ghaniyun. Très bien. Khalidun tajirun ghaniyun. Al-Arabiya. Al-Arabiyatu. Al-Arabiyatu. Luratun. Luratun. Luratun. Sahlatun. Sahlatun. Sahlatun. Sahlatun. Au suivant. Al-Usfuru. Al-Usfuru. Ta'irun. Ah, ça je te dirai pas. C'est un mot qu'il fallait apprendre. Et pourtant hier je l'ai traduit. Vous avez révisé les mots? Abdel Hakim, ça veut dire quoi, un oiseau? Quel type d'oiseau? Petit. Un grand, petit, un petit oiseau. Sarirun. Sarirun. Non. Hein? Certains les traduisent par le passereau. C'est une, type de, c'est une variété de, d'oiseau. Taïb, celui qui connaît, c'est bien. Ce qu'il ne connaît pas, il n'y a pas de mal. Taïb, en suivant. À voix haute, les frères. Fakihatun. Lavidun. Pourquoi tu t'es rattrapé? Lavidun. La pomme, c'est un bon fruit, c'est bien. Lavidun. Hein? Comment? Regarde bien. Je vais voir si tu comprends bien ce que tu dis. Tu dis lavidatun ou lavidun? C'est-à-dire la, l'adjectif, il suit quoi? Il suit le mubtada ou il suit le nom? Il est où le nom là? C'est Fakihatun. Et Fakihatun, c'est quoi? Féminin ou masculin? C'est masculin. Alors tu diras quoi? La vie d'Atun. La vie d'Atun. Fakihatun. T'as compris? Voilà, j'ai fait exprès pour voir si t'étais sûr. Barakallahu fik. Au suivant. Ana mudarrisun jadidun. Au suivant. Muhammadun tabibun tawilun. Comment on dit connu, célèbre? Shahirun. Très bien, mashallah. Muhammadun tabibun shahirun, célèbre. Inkiltariyatu ra'idun sa'batu. Regarde bien, répète. Regarde le mot. Toi, t'as parlé de l'Angleterre. Alors que nous, on parle de quoi? L'Inglésiatu. Oh. Ouais. L'Ouratoun. L'Ouratoun. C'est bien ce que t'as dit, mais moi, je t'ai juste rattrapé. Toi, t'as dit l'Angleterre. C'est le pays, alors que là, c'est la langue. Pas le pays. C'est comme si t'aurais dit... Al-Faransa, l'Ouratoun. Ça se dit ça? Ou Al-Faransiatu? Ça se peut dire, moi. Moi, j'ai cru entendre l'Angleterre. C'est ça, non? Voilà. Comme ça. Ouais, mais rien le mot qui est devant. À part si c'est mal écrit ton truc. Comme ça, là, moi. T'as compris ton erreur? Non. L'Angleterre? L'Ouratoun. Hein? Sahlatoun. Taïb. أنت طالب قديم. Très bien. أنت طالب قديم. القاهرة. لا. القاهرة. عزيز أبوت. القاهرة. القاهرة. تون. Pourquoi تون؟ بس عليكم السلام. Pourquoi تون؟ Parce que c'est là qu'il reste. Ouais, parce que ouais, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ah, c'est ça veut dire pas le mot. Non, non. Pourquoi t'as dit Al-Qahiratun? Parce qu'il est... Il est Nakira. Quand on fait prononcer le son Oun le plus souvent, ouais, ça c'est quoi? C'est Nakira. C'est Nakira. Ouais. Hein? Al-Qahiratun, c'est inconnu. Ah oui, oui. Hein? Non, c'est connu. Non. C'est connu? Le Caire, c'est connu ou c'est inconnu? Ouais, c'est connu. Bon, regarde, alors dis. Al-Qahiratun. Ah, cadre. Al-Qahiratun. Medinatun Kabiratun. Très bien. Al-Qahiratu Medinatun Kabiratun. Tout le monde a compris l'exercice, Inch'Allah. C'était pas difficile. Hein? Grand 3. Dha'f il-makan al-khalif il-jumal al-atir man'outan munasiba. C'est la même chose, mais là c'est l'inverse. Le premier exercice c'était quoi? Il fallait trouver un na'at, c'est-à-dire le quoi? L'adjectif. L'épithète ou la description. Là il demande quoi? De trouver un nom. Vous avez compris? Vous donnez l'adjectif, mais là il faut mettre un nom. A toi, Ayman. Al-Arabiyatu. Loratun, sahlatun. Très bien. Ana tabibu. Tabibun. Qadimun. Taïb. Ana tabibun qadimun. Très bien, au suivant. Ammarun. Comment dit commerçant? Tajilu. تاجرون غنيون عمارون تاجرون غنيون تدي خواصا غنيون نعم وسيفان هذا قلم مكسور très bien هذا قلم مكسور وسيفان أبوه تعب الكلم أبوه تطلع حضرك فيصلون طالبون نعم فيصال طالب كسلان فنيان غران كات اقرا كسلان جوعان عطشان غضبان ملآن كسلان سادير فنيان جوعان سادير كالكان كي افامي عطشان اسوافي غضبان انرفي ملآ بلان طيب اي سا سي دي مو ديكسيبسيون كون فيرا ان شاء الله à la fin du livre numéro 1. طيب ça rentrera dans le même nom de sarf. On en parlera à la fin du 1, inshallah. طيب c'est ça, c'est des noms qui ne prennent pas de tanwin. Tu dis pas kaslanun ou radbanun, tu dis pas ana radbanun. Ana radbanu. Vous avez compris ça? Anta kaslanu. C'est compris ça, inshallah? Voilà, vas-y, on s'est arrêté où? Tafadhal, tu lis. Ça veut dire quoi? Le mot. Ouais, jawa'a. Affamé. Au suivant. Très bien. Anta jaw'anu. La ana 'atshanu. Très bien. Ça veut dire quoi 'atshan? Assoiffé. Assoiffé, non. لماذا المدرس غضبان اليوم؟ طيب يعني لماذا المدرس غضبان اليوم؟ الكوب ملان. ملان. نعم. ملان. نعم. الكوب سي لو فيغ. الكلمات الجديدة. اللغة سي لا لونغ. شهير نادي سيتي سيلابغ. المدينة لا فيل. الطائر سي لوازو. طيب اليوم سي يغ لو جور. كسلان فينيون. جوعان نادي افامي. عطشان اسوافي. ملان بلان. غضبان وينرفي. العصفور نادي سي ان بتيت وازو سينون بو دير باسرو. اليوم طيب سو جور سي اوجوردي. طيب comme il reste un peu, on a du temps, on va lire inchallah. Taï. Bismillah. Ayman, vas-y. Aïna al mudarrisu huwa fi al fasli. Wa aïna al mudarrisu. Wa aïna al mudarrisu al jadidu. Naam. Al jadidu. Wa aïna al mudarrisu al jadidu. Très bien. Aïna al mudarrisu al jadidu. Très bien. Suivant. Wa Hadi Hanada Al-Mudaris. C'est parce que je veux dire. Wa Inda Al-Mudiri au suivant. Parce qu'il y a plein de trucs comme ça. Pourquoi toi tu lis là-bas toi? Non, non, ça gêne, c'est pour ça que je n'avais pas. Comment ça te gêne? C'est écrit à gauche. C'est rien. Au suivant. Aina Al-Tabibu. Al-Tabibu. الجديد. الجديد. أين الطالب الجديد؟ ذهب إلى المكتبة. وسيفان. من ذلك الرجل الطويل؟ نعم. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ هو المدير الجديد. الجديد. السلام. هو المدير الجديد. هو المدير الجديد. مدير. Pourquoi tu fais comme ça, le مدير؟ نعم. C'est pas une question de lem. Toi tu fais هو المدير الجديد. هو المدير الجديد. Pas une question de liaison. Toi, on sent pas le al jadido. Prononce mot par mot. Ah, kada. Suivant. Très bien. Waman al walad al sagir alladhi kharaja al ana min al fasl. Huwa ibn al mudir al jadid. Non, pourquoi tu n'as pas prononcé le hamza ici? Parce qu'il commence par la phrase. Très bien. Et ça s'appelle comment ça? Hamza? De Hamza Wassal. Très bien, mashallah. Hein? Hamza Tlwassal. Très bien. Mon suivant. Liman Tilka Seyaratu Jamilatun. Jamilatu. El Jamilatu. El Jamilatu. Elle est où cette voiture? Elle est proche? Elle est loin? Ouais, elle est loin. Elle est loin. Comment t'as su? Tilka. Tilka, mashallah, c'est bien. Hiya lilmudiri el Jadidi. Hiya lilmudiri el Jadidi. Très bien. Mon suivant. Liman Aza el Kitabu. كتاب الكبير هذا هو مسيبا زيفيني لمن هذا الكتاب الكبير لمن هذا الكتاب الكبير هو المدرس للمدرس هو المدرس هو للمدرس للمدرس très bien. Attends, il n'a pas fini le frère. La. La, huwa. El tal. Huwa. Huwa. Les talibi. Les talibou. La. Il y a un lem. Les talibi. La. Huwa les talibou. La, regardez bien, il y a un lem. Fais-lui voir, Ayman. Il a accroché, on l'a expliqué. لا هو للتالبي الجديدي الجديدي وسيفون اين الملعقة اين الملعقة اين الملعقة الصغيرة وسيفون اين الكرسي هي اين اين يمونك مو encore après هي في الكوبوة يا خال اسي دو بارير الله يبارك فيك طيب هي في في في كوا في في الكوبي طيب سيوا اين الكرسي المكسور هو هناك يلا يتبار التاكس avant de venir ils disent C'est bien, mashallah, barakallahu fikoum. Taïb, tamarin, iqra, waktoub. Al-tabibu al-jadidu fil mustashfa. Wal-tabibu al-qadimu fil mustashfa. Mustawsaf. Naam, al-tabibu al-jadid, le nouveau docteur fil mustashfa, c'est-à-dire à l'hôpital. Wal-tabibu al-qadim, l'ancien docteur fil mustawsaf, le dispensaire. Au suivant. Très bien, au suivant. Très bien. Très bien, mashallah. Al-mirwahatu al-jadidatu fil ghurfati al-kabirati. Au suivant. Al-lughatu la. Lil-lughatu. Hein? Je vais lire comme tu as lu, hein. Al-lughatu. Al-lughat, ça veut dire quoi? Al-lughat, les langues. C'est un pluriel, ça. Al-lughatu, c'est le singulier. Juste, tu prononces un peu plus. Voilà, on va l'étudier, ça, inshallah. Jamal Mouhamed Salim. Al-lughatu al-arabiyatu. Al-lughatu al-arabiyatu sahratun. Sahratun. Au suivant. Al-waladu al-tawilu alladhi kharaja min al-fasli. Al-ana talibun min al-hind. Très bien, mashallah. Al-waladu al-tawilu alladhi kharaja min al-fasli. Al-ana talibun min al-hind. انا في المدرسه انا في المدرسه تو انا في المدرسه تو ها سي صا في في كوا يغون لو مو انا في المدرسه تي انا في المدرسه تي الثانويه tu as décrit la l'école Tanawiyati, c'est le na'at, c'est l'adjectif. Taïb, c'est qui a fait l'école arabe ici? Tanawiyat, ce serait, ça correspondra à quoi? À la primaire, c'est ça? Personne ne sait? C'est le collège plutôt? Non, mais je parle par rapport à l'école. Ce serait la. La Nartale, s'il y avait quelqu'un qui connaissait, c'était. C'est le collège? Barakallahu fik, le collège, il dit le frère. Au suivant. Daba Raju al-Fakar al-Fakar ila al-Wazir. Taï, Daba Rajulu al-Fakir ila al-Wazir. C'est-à-dire l'homme pauvre est parti où chez le ministre Al-Wazir. Au suivant. Jalasa Talibu al-Jadidu Khalfa Hamidin. Très bien. Jalasa Talibu al-Jadid Khalfa Hamidin. Non, le sakin le kabir hadun jiddan. C'est le grand couteau et quoi est très aiguisé. Non. Suivant. Tu peux lire à voix haute. As-sagiru man hadha al-walad as-sagir. Très bien. Man hadha al-walad as-sagir huwa ibn al-mudarris al-jadid. املل في الفراغ فيما يلي بالنعت الذي بين القوسين بعد تحليته بألف واللام عند اللزوم املل c'est-à-dire quoi في الفراغ فيما يلي بالنعت il demande de remplir c'est-à-dire dans le vide ce qui suit d'un adjectif الذي بين القوسين c'est-à-dire ce qui est entre parenthèses هذا معنى القوس طيب بين القوسين. طيب en lui mettant quoi تحلياته c'est en quelque sorte il te demande de quoi de l'orner ou de lui mettre un alif wallam عند اللزوم si le cas le nécessite هذا معنى عند اللزوم. طيب c'est-à-dire s'il est dans le besoin ou c'est nécessaire de mettre alif wallam عند اللزوم. Vous avez compris ça, ce terme? Vous avez compris, Saber? Hein? C'est-à-dire, si le mot, il est dans le besoin ou il est dans la nécessité d'avoir alif ou lam, tu le mettras. Hada ma'ana inda al-luzum. Aina al-mudarrisu al-na'd qu'on va mettre là. Est-ce qu'il a besoin d'alif ou lam ou non? Na'am, limada liannu al-man'out indahu alif ou lam. Vous avez compris ça? أين المدرس الجديد؟ فهمتم هذا؟ Vous avez tous compris ça, Inch'Allah? طيب, on s'est arrêté où? A toi, تفضل وهبي. التاجر الكبير في السوق. Très bien, Mashallah. التاجر الكبير في السوق. Au suivant. أنا طالب قديم. Très bien, Mashallah. أنا طالب قديم. جلس الطالب الجديد خلف محمد. نعم, qu'est-ce que dit خلف محمد؟ Derrière, très bien. C'est bien, machin. Mais quel travail il fait? Il rend Mesroul le mot d'après. Le mot d'après, Mesroul, très bien. Et on a dit comment, et ça, ce serait comment ça s'appelle, un dharf? Makan ou Zaman? Dharf Makan. Makan. T'as vu, on a un indice par rapport au dharf Makan, c'est quoi? Il a un sous-entendu de fi, un peu, tardir. Ma'ana, Jalasa, fil Makan, Khalf, Mohamed. T'as vu, en suivant. من الولاد الولاد لا toi il faut que tu fasses attention dans ta lecture tu prononces beaucoup les mots certaines lettres regarde من الولاد من الولاد si je dis par exemple من الوالد quelle est la différence entre الوالد et الولد hein je t'entends vraiment pas là الجمع المفرد c'est pas ça non. Personne n'a la réponse à part Ayman? Hein? Là, Andek? Le père. Regardez, juste le fait d'avoir prononcé, ça change quoi là? On passe au père alors que c'était qui? Le fils. Hein? Men el walid. Par exemple, je viens, je te dis Men el walid. Ça veut dire quel? C'est un enfant ça. Men el walad. Pour ça, fais attention. Ne prononce pas les mots. Après le waou, s'il y a un alif, ça fera le père. Al walid. Vous avez compris? Bismillah. من الولد من الولد طويل الذي خرج الآن من الفصل très bien عمار عمار ولد قصير très bien ما شاء الله عمار ولد قصير suivant فيصل طبيب فيصل طبيب ouais c'est bien continue فيصل طبيب شهير شهير Shahirun. Shahirun. C'est-à-dire quoi? Shahirun, célèbre. Célèbre, très bien. Connu, célèbre. Au suivant. Faisal est un. Al-Maksour. Très bien. Sarir, c'est-à-dire quoi, Mohamed? Le lit, très bien. Très bien. Salam, rahmatullah, barakatuh. Liman hada sarir, al-Maksour. Au suivant. Hada qalamun, maksourun. Très bien, هذا قلم مكسور au suivant. أين السكين؟ السكين. أين السكين؟ السكين. Abdelkarim, souvent quand je te corrige, tu as l'air d'être étonné. Même si par exemple je me trompe, c'est rien. Me faut هذا؟ Non, mais c'est juste Mimbab, c'est important. Hein? Une fois un frère, il a dit à Cheikh Obed Jaberi, il lui a dit tu n'as pas compris. Ça se dit ça? Non, ça se dit pas ça. Même si le Chir, par exemple, il n'a pas répondu comme il fallait. Tu dis pas tu n'as pas compris, Yachir. Tu dis Yachir, ça aide de Soal. Je vais répéter ma question. Me faut un Chir, ça comprend, Inch'Allah, bénil. Et toi, sans t'en rendre compte, souvent quand je te corrige, je fais une thèse comme si oh, c'est pas normal. Non. Moi, je vous promets, j'aimerais qu'on fait le 1 en une semaine, si on pouvait. Inch'Allah, alhamdulillah. Et ça, faites attention. Tu vois? De dire à un shir par exemple, un shir marak bihada, qu'est-ce que tu penses de ça? Et le shir va dire, ouais, ça veut dire ceci, cela. Non, non, un shir, je crois que tu n'as pas compris. Je vais répéter. Là. Tu dis, Achir, ça aide le soual. Peut-être que je me suis mal exprimé. Hakada. Mais vous, certains posaient des questions à l'imam Malik, rahimallah. Quand il ne répondait pas, de peur et par respect, il ne répétait même pas la question. Le fait qu'il ne répondait pas, par respect de l'imam Malik, rahimallah, il répétait même pas la question. Tu vois ? Barakallahu fikoum. Répète. Vous avez tous entendu ? Hein ? Comme ça, il n'y aura pas que moi, Inch'Allah. Aïna Sakinu. Il a dit le frère. J'ai des témoins, Inch'Allah. Aïman, je crois qu'il s'est concentré. Alors, on dit comment ? Un couteau ? Sakinu. Et on dit Sakin. Le mot, il est à apprendre. T'as aimé, Inch'Allah ? Sakin. Toi, tu dis Aïna Sakinu. C'est bon ? T'as pas compris ? Comment on dit un couteau ? T'as compris là ? Voilà, barakallahu fik. Et le mot ici, c'est pour ça, apprenez par cœur. Taïb, barakallahu fik. Aïna sekin el haddou. Taïb, on va s'arrêter là, Inch'Allah, parce que ça, c'est une nouvelle leçon. Une nouvelle leçon. Aïe, afouan. Taïb, barakallahu fik. Au suivant. L'iman ? Ouais. Répète, vas-y. L'iman hadi siyaratu. Ouais, regarde le siyara, il est nakira ou ma'rifa ? Ma'rifa, c'est vrai. Et là, le siyara, c'est quoi ? C'est un man'out. On a dit que le na'at, il le suit dans tout. Al-jamilatu. Il n'y a pas de mal, barakallahu fik. Taïb, l'iman hadi siyaratu, al-jamilatu. Taïb, on s'arrête là, Inch'Allah. Et lisez le texte de demain, car il est long. Inch'Allah, on ne reste pas 20 minutes. Et c'est une leçon qui est très facile. طيب بارك الله فيكم يا اخوان